Salut à toi qui m'écoute. C'est Publux. Bon. Super bonne nouvelle. J'ai trouvé une grotte avec des vivres. Quelques conserves. Je commençais vraiment d'avoir plein le cul de manger des trucs qui sortent vraiment trop de l'ordinaire. Hier, j'ai mangé un espèce d'écureuil avec des ailes, avec trois yeux. Putain, comment ça peut exister, ce genre de truc? Toujours est-il que j'ai germé toute la nuit. Donc aujourd'hui, j'ai préféré tenter l'aventure de trouver quelque chose de comestible, plutôt que de me retaper un truc vraiment trop dégueulasse. C'est incroyable. Bon, je vais essayer de sortir sans faire trop de vagues. J'ai vu des patrouilles tout à l'heure. Enfin, je les ai entendues. Je m'aventurerai pas à essayer de les voir. Je serais trop vite repéré, et là, j'ai vraiment aucun moyen de me protéger. C'est-à-dire qu'avec le temps qu'il y a dehors, et le volcan qui arrête pas de lâcher ses grosses vagues de lave, ça va vraiment être tendu. Mais bon, je commence à avoir l'habitude de courir très vite. Salut à toi qui m'écoute, c'était Bubux. À plus tard, si c'est possible.